Bonjour. Bonjour, attendez, j'ai plein de trucs à l'intérieur. Vous avez la monnaie sur Pain Roi ? Oui. Un peu en chocolat alors. Un peu en chocolat. Pour être plus gentil. Bon, 19,50€ alors. C'est quoi ça ? T'écoutes de la musique ? Merci. De pain au chocolat. Attends, t'en as demandé combien toi ? Deux. Je lui ai en donné deux. 50 alors. Il faut les vendre. Merci. Donc ça, c'est pour la coopérative de l'école, ça. Voilà. En fait, grosso modo, les pains, on les achète 30 centimes, on les revend 50 centimes. Ça nous permet d'avoir un petit bénéfice et de financer les projets. Il y en a un, Karim. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Deux. Deux. Ouais, deux. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça, je voudrais bien en avoir un mot de pain au chocolat, mais non. On ne peut pas. Oh là, il y en a quatre de pain au chocolat. Bonjour. Merci. Bonjour. J'en voudrais deux, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Un, s'il vous plaît.